Donc c'est Youssou Badi, chargé de la formation et du programme sous-régional de lutte contre les armes légères en Afrique de l'Ouest, au niveau de l'ONG Malawo. Qu'est-ce qui explique votre présence à Dakar? Donc c'est une suite logique d'un programme dénommé FALSEN, formation sur les armes légères en Afrique de l'Ouest, soutenu par la fondation Konrad Adenauer, qu'on déroule depuis 2006. Donc pour cette année, depuis janvier, nous avons entamé une tournée dont la thématique centrale, c'est sur les questions de gouvernance des migrations liées à la prolifération des armes légères dans des zones de, frontalières. Donc c'est ce qui nous vaut l'atelier de deux jours qu'on vient tenir à la suite d'une rencontre réalisée il y a deux semaines à Kédougou et aussi qu'on avait entamé dans la région de Matam, plus précisément à Kanel. Donc, les objectifs assignés, c'est par rapport aux enjeux et aux défis liés à la gestion de la gouvernance des migrations. Je pense que ces temps-ci, on en a vécu de malencontreuses expériences. Alors qu'au début même, depuis 2019, nous avions réfléchi sur des stratégies, sur comment mieux impliquer. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont impliquées là-dessus. Il ne s'agit pas, pour le cadre de cet atelier, de revenir sur des choses qui ont été décrites par des organisations beaucoup plus spécialisées, mais dans le cadre de la lutte contre les armes légères, comment lier toutes sortes de trafics d'êtres humains, comme celui que nous vivons dans le cadre de la migration, mais aussi mieux impliquer la société civile sur la traçabilité, en tout cas des mouvements de personnes s'adonnant à ce genre d'activité. Aussi bien au niveau des commerciaux, donc des courtiers et consorts, mais de faire la traçabilité des villages d'origine, des lieux d'origine et de départ, des lieux de transit, pour mieux avoir une cartographie en tout cas de toutes les transactions liées à ce fléau au niveau du Sénégal. Je vous avoue que depuis 3 ans, nous travaillons aussi bien au sud, au centre, à l'est, et qui fait que nous sortons un monitoring annuel qui alerte pour alerter les autorités sur ce genre de mouvement et aussi sur d'autres thématiques. Donc c'est ce qui nous vaut la rencontre de ces deux jours, pour mieux impliquer les organisations de la société civile et favoriser un partenariat, une collaboration, une coopération entre les différentes institutions et la société civile. Surtout les forces de défense et de sécurité et les organisations de la société civile, pour qu'il y ait une collaboration par rapport à un dispositif qui permettrait de créer des mécanismes de suivi, de traçabilité, en tout cas pour endiguer ce mal qui hante le sommeil des autorités sénégalaises. Quelle est la particularité de la région de Dakar? Donc, on l'a décrite tantôt, au vu même que c'est l'une des régions les plus larges du Sénégal, la porosité des frontières, aussi la proximité avec 3-4 pays, et aussi elle ferme ce qu'on appelle une ceinture de feu allant du Mali au Niger. Donc c'est ça la particularité. Une région potentiellement riche mais économiquement pauvre. C'est des choses qui ne s'expliquent pas. Et que si cette région, je ne sais pas si ça fait partie des spécificités, en tout cas est une région de départ ou bien de transit, ça peut encore influer sur la jeunesse de cette région, donc du Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on s'est dit qu'il y a des défis. Parce que plus on s'éloigne de la capitale du Sénégal, moins les gens sont au fait des enjeux, des informations, et plus ils sont isolés. Et comment faire de telle sorte que cette société civile, qui est très active dans la région, soit au même niveau d'information, au même niveau d'implication, au-delà des initiatives qui sont prises dans la région, soutenues par d'autres ONG et d'autres institutions qui agissent, comment créer ce cadre de concertation qui aura un pouvoir de dissuasion, qui aura un pouvoir de veille et d'alerte à l'endroit de nos autorités. Jola bi ngeen bëgg wax lo wolof waaw waxtaan gi ñuy def ni ñepp ngi dund lo xamne ab naxar la ci Sénégal yépp man mi di wax ak yeen tay mënuma leen expliquer phénomène bi parce que bo sété lu wër Sénégal ay jeune rek ci né mais lu ci luy dé ci geej gi temps yi lé ndax bëgg xalé yi dem ci yenen réew man defena amul ci benen rew guñu wër muy Gambie di Guinée Bissau di Guinée di Malek yoy alors mu nek lo xamni nak ñun dañ ko dugalon ci suñu programme triennal donc chaque ñetti at dañuy défal ben programme bo xamni dañ ci jël ay thème pour waxtané ko askan wi waxtané ko askan comme ñun ci société civile lañu bok té dañuy liggéey ak ay ONG dañuy def ay tournée ci suñu carton ak ci ñu ñi jappalé ñu sét ay région yo xamné sen problème mengok nak ñun suñu luñuy sabab donc mo waral ñëwi tay bi ndax affaire mang gi bare na trop actuellement donc motax ñu ñëw fi pour waxtaan ak suñu natango kureli société civile pour sen taxaway gëna tar sen taxaway gëna fess ndax xex gi wañéku ndax situation bi aussi ñu changer et aussi rataxal digënté nguur gi à travers administration bi ak organisation société civile ndax des fois nit ñi dañ leen jël comme ay antagonistes alors que ku nekk bo béyé sa war di nga soxla sa morom lolo tax nak ñu ñëw ci ñaari fani pour gëna rataxal collaboration bi ba nga xamni lepp luy jafé ci miru mang gi ñu gën ci taxaw donc lolo waral wa xex bi gis nañu ni Tamba ci gox yu gëna yaatu ci Sénégal ci le bok donc nit ñi dañuy dem di ñëw tamit jégué na ay réew yo xamné aussi sen situation xawna doy war donc ci phénomène bi ñuy ki motax ñu ñëw pour japp ci parce que ñun dañ leen fekk ñom ñuy yëngu que ça soit journaliste que ça soit organisation société civile que ça soit yenn institution état ñom ño gëna xam luy metti ci mbir mi le donc motax ñun ñu ñëw rek japp ci yaatal waxtaan gi ñun yenn expérience ñu am par rapport ak ñaar fukki at ñuy liggéey ci problème yi le donc surtout ci niveau frontière yi parce que criminalité amna ñu nane criminalité frontalière donc yoy yep dafa bok ci exploitation de l'homme par rapport ak situation bi parce que nit ñi dañu fogg ni dem bi ci geej gi rek la waye bu gëna bonne moy trafic ay organes humains ki yoyu wala aussi problème de terrorisme mo nga xamné c'est des niveaux de défi de nouveaux défis pour partager expérience bi ça fait ñi yëngu ci mbir yoyu fi ñu gëna en tout cas yok sen taxaway pour gëna rataxal sen digënté force de défense et de sécurité ndax ligéy bi gëna aw yoon loolo waral suñu ñëw waaw suñu objectif bi moy par rapport ak problème de gouvernance des migrations mu am ben kurel go xamné day bolé ñepp ñu mu soxal ci biir xalaat gi ci biir taxaway gi ci biir jëf ji ba nga xamné buñ fi déllu waté xeyna situation bi dina gëna améliorer c'est vrai que yi nguur ci wara taxaw way ñepp gis na ni nguur manu régler lepp donc ku ci nek amna ci place situation ki objectif yi aussi niseur gi moy def ba nga xamné niti nguur gi muy force de défense et de sécurité ak organisation société civile ñu bok taxaway di waxtaan sen biir taxawal ben cadre bo xamné aussi dinañu collaborer dinañu coopérer pour dello problème bi ci ginnaw